Ils sont devenus comme des cendres. Et alors, on versera sur eux l'eau de la vie. Alors, ils pousseront, donc ces gens-là, quand ils seront de la cendre, on versera de l'eau, et ils pousseront comme pousse la graine dans ce que, quand il y a un cours d'eau qui vient, quand il fait, comment dirais-je, quand la terre est très sèche et qu'il y a des graines, il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau, et là, ça pousse. Ensuite, écoutez bien, deuxième chose, deuxième preuve, comme quoi les derniers qui sortiront de l'enfer par l'intercession d'Allah et qui n'ont rien associé, c'est que ceux qui ont une trace de la prosternation, et cette trace de la prosternation, on l'a fait que si on fait l'acte. ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَبْقَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ مُقْبِلٌ. Ensuite, Allah Azza wa Jal finira du jugement entre les esclaves. وَيَبْقَى رَجُلٌ. Et il restera un homme, مِّنْهُمْ, parmi eux. D'accord ? Parmi eux. Parmi ceux qui sont sortis, qui avaient la trace de la prosternation. Ils sont les derniers à sortir. مُقْبِلٌ بِجَنَّةِ النَّارِ. Et qui sera, donc ça sera dans l'enfer, mais qui restera la face, son visage, vers l'enfer. Et écoutez bien ce qui est dit ici. Et c'est le dernier des gens du feu à rentrer au paradis. D'accord ? C'est clair. C'est le dernier des gens du feu à rentrer au paradis. Et donc, après, il n'y a plus personne qui sort de l'enfer. Et comme on vient de le voir maintenant, les anges reconnaîtront ceux qui sortiront en dernier de l'enfer et qui n'ont rien associé. Par quoi ? En regardant leur cœur, mais en regardant s'ils ont une trace de prosternation. Fayakul ay rab isrif wajhi an nar. Et donc cette personne-là dira: oh mon maître, écarte mon visage, ma face de l'enfer. Et on s'arrête ici pour ce hadith. Donc dans ce hadith, dans le hadith de la Shafara même, il y a une preuve que les derniers qui sortiront de l'enfer par la miséricorde du tout de celui qui est le plus miséricordieux, c'est ceux qui n'ont rien associé, et on les reconnaîtra parce qu'ils auront la trace de la prosternation. Athar sujud. D'accord ? Et ça, c'est par rapport au visage, et c'est pas par rapport à la croyance, à un acte. C'est par rapport à l'acte. Ça, c'est la. Voilà comment on répond aux gens qui disent, qui utilisent toujours le hadith de l'intercession. On leur dit: écoutez, vous venez avec une parole, une version seulement de l'hadith de Shafara, mais si on prend tous les hadiths de la Shafara et qu'on les met ensemble, on voit que quoi? Que les derniers à sortir, c'est ceux qui ont fait la prière. Deuxième manière par rapport à ceci, ces gens donc qui utilisent le hadith de la Shafara, de l'intercession, disent: le prophète a dit Lam yarbalu khayran kat. Donc Allah Azza wa Jal fera sortir un groupe de gens qui n'ont fait aucune action de bonne. Alors, problème pour eux, dans l'autre version de Abu Huraira, ils ont quoi? Ils ont fait une bonne action. C'est quoi la bonne action? Ben, c'est de s'être prosterné, donc c'est la salat sujoud, donc c'est l'acte de la prière. Alors, pour eux, il y a contradiction. Donc, ils ont un problème. Mais pour nous, il n'y a pas de contradiction. Et on va le voir maintenant. Qol Ibn Khuzayma. Ibn Khuzayma, il a rapporté des hadiths. Il a plusieurs livres, notamment de hadiths. Il est mort en 311 de la Hijra. Pour ceux qui étudient un petit peu le hadith, il est très connu. Ibn Khuzayma, rahimahullah. Il a dit ceci par rapport à cette formule. Lam yar malou khaylan kot. Ils n'ont fait aucune bonne action. Il a dit ceci, cette formule, lam yarmalou khayran kat, donc ils n'ont rien, ils n'ont fait aucune bonne action, min al-jin salladhi taqula arab bin nafi al-ism an al-shay li naqsihi an al-kamal wa al-tamam. Ça fait partie du genre de ce que les Arabes disent, et quand on dit les Arabes, c'est les Arabes d'avant, c'est les Arabes auxquels on s'argumente par rapport à leur langue. C'est-à-dire que c'est ceux qui étaient avant l'islam, donc toutes les Arabes de la Jahiliya, et les Arabes jusqu'à la fin de l'époque de l'Umayya, tant que ces Arabes-là ne se sont pas mélangés au Ajam, au non-arabe. Donc c'est ce que les Arabes disent. Binafilism, pour annihiler le nom d'une chose, un échec, par rapport à quoi? Les naksir en el-kamal, par rapport au fait qu'il y a une diminution par sa perfection, wa tamam, et son accomplissement. Et donc le sens de cette prononciation, qui est l'amir Malo Khaynonkot, donc ils n'ont fait aucun acte de bien. Ça veut dire ceci: l'amir Malo Khaynonkot ala tamam wal kamal la lama ujiba alayhi wa umira bihi. Donc ils n'ont fait aucune action de bien de la perfection, d'accord, et de l'accomplissement parfait. La lama ujiba alayhi wa umira bihi, pas à ce quoi on leur a ordonné. Est-ce qu'on leur a, d'accord, rendu obligatoire. Fin de la citation de l'imam Ibn Khuzaymah par rapport à cette parole. Ensuite, je rajoute quelque chose à cette parole qui est l'amir malou khaynan kot, et que eux, ceux qui disent comme quoi, ceux qui font pas la prière, il est toujours musulman parce que Allah retire des gens qui n'ont fait aucune action, et pour aucune action, c'est vraiment aucune action, ils ne veulent pas comprendre ceci. Eh bien, sachez, s'il y en a qui m'écoutent en ce moment, ou si nous, les autres qui pensent que celui-là qui ne fait pas la prière, il est mécréant, comment on leur répond? Par ça, un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il va utiliser cette formule, l'amir malou khaynan kot, pour une personne et qui a fait des bonnes actions. Un hadith qui est connu et qui a un nom qui s'appelle Hadith Qatil Mi'a, le hadith de celui qui a tué 100 personnes. Il est assez connu, il se trouve notamment dans Riyad Salim, le livre des jardins des saints ou des vertus, après la traduction comme on veut. Dans ce hadith, et qui est notamment authentique, il n'y a pas de problème, qui est Muttafaqun Alayhi, qui est rapporté par le Bukhari Muslim. Je vais juste vous le rappeler pour d'accord. Il est un petit peu long, mais juste vous rappeler pour bien que vous voyez quel est ce hadith. Il y a une personne qui avait tué 99 personnes, d'accord, un criminel. Et à un moment donné, il a voulu se repentir. Il a demandé aux gens est-ce qu'il y avait un savant, afin qu'il lui demande s'il pouvait se repentir. Et les gens l'ont indiqué à un abid, à un adorateur, c'est-à-dire qu'un ignorant qui adore Allah, mais qui ignore et qui n'est pas alim, d'accord. Et malheureusement, ces gens-là, quand ils parlent de la science, ils font des dégâts, comme vous allez le voir. Mais il va faire des dégâts contre lui-même. Et donc, il est allé voir ce abid, cet adorateur, et lui a demandé s'il avait une possibilité pour lui, après avoir tué 99 personnes, donc, de se repentir. Et le rabbi lui a dit comment tu veux qu'Allah accepte de te repentir, tu peux pas te repentir. Et donc qu'est-ce qu'il a fait cette personne, le criminel? Eh ben il a tué al-rabbi, l'adorateur. Donc il en a tué 100, d'accord. Ensuite il s'est encore posé la question, est-ce qu'il pouvait pas se repentir? Il a encore demandé aux gens s'il n'y avait pas un alim, un savant, celui qui voulait un alim, un savant qui pouvait lui répondre. Et là, les gens lui ont indiqué un alim, un savant, quelqu'un qui avait la connaissance, qui avait la science. Pas quelqu'un qui est bon en lui-même, mais qui ne connaît pas, et donc qui peut faire des dégâts avec ses paroles, même s'il ne fait pas de péché, il ne boit pas d'alcool, ni rien. Et là, il est allé voir ce savant, et le savant lui a dit, mais il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui t'empêche entre toi et le taouba. Et après, il lui a dit, c'est ça aussi, quelqu'un qui a de la bonne science, il lui a donné en plus un autre profit. Il lui explique comment faire aussi pour bien que son taouba se fasse, c'est-à-dire qu'il ne retourne pas dans ses péchés. Il a dit, tu es dans une terre de mal, là où tu es, d'accord? C'est-à-dire que les gens sont mauvais. Mais il y a une autre terre là-bas, qui est des gens de bon. Va là-bas, d'accord? Et comme quoi, là aussi, il y a une indication pour la hijra, le fait de quitter un pays où il y a des mécréants vers les musulmans, etc. D'accord? Donc la personne, cette personne-là, qui avait tué 100 personnes, donc a fait un taouba. Il a arrêté de tuer les gens. Et il est parti. Donc il a fait cette action de partir, de marcher et de faire la hijra, de quitter ce pays de mal pour le pays de bien. Et au milieu de la route, il est mort. Et là, les anges sont venus et se sont disputés. Les anges de l'enfer, les anges du paradis sont disputés. Est-ce qu'ils vont en enfer ou pas? Je vous laisse c'est pas ça le plus important, mais c'est pour que vous compreniez. Et là, c'est là que vient l'argument par rapport à ce qu'on dit. Et les anges du châtiment, pour ceux qui voulaient le prendre pour le mettre en enfer, ils ont dit ceci: Innahu lam ya'mal khaylan qattu. Ils nous ont dit ceci: certes, lui, il n'a fait aucune action de mal. D'accord? Et c'est là qu'est l'argument. Ensuite, juste pour information, après les anges du paradis, ils ont mesuré, et en fin de compte, Allah a fait en sorte qu'il soit rapproché plus de la terre du bien, parce que c'était par rapport à ça, et donc il a été mis au paradis, rahimahullah, et qu'Allah pardonne nos péchés et nous fasse mourir en tant que musulmans. Je reviens à l'argumentation. Les anges du châtiment ont bien dit qu'il n'avait fait aucune, il n'avait fait aucun acte de bien. Innahu lam yarmal khaynan kot. C'est la même formule que pour le hadith de Shafara et que les autres qui disent que quoi le sacrifice pas la prière, il est toujours musulman, ils utilisent. Or, là on voit très bien dans le hadith que cet individu a fait des actions de bien. Il a fait sa hijra. Et la hijra, c'est un acte du corps, il faut marcher, il a marché. Il a fait un acte de bien, il a fait un autre acte de bien. Il est allé rechercher la science, il est allé demander, et ça c'est un acte. Il a fait au minimum deux actes de bien. Et pourtant les anges ont dit cette formule, « Lam ya'mal khayran qat » Il n'a fait aucune bonne action de bien. Et donc là on voit que, comme dans l'hadith de la Shafara, il ne faut pas prendre ça à l'aspect apparent. Il n'a fait aucune, mais vraiment aucune action de bien, c'est qu'il n'a fait aucune action de bien en surplus. D'accord ? Parce que là, cette formule-là était dit alors qu'il avait fait des bonnes actions. Et là, ils peuvent, les gens, personne ne peut le renier. Donc voilà comment on réfute à ceux qui prennent toujours l'argument du hadith de l'intercession pour dire ceux qui n'ont pas la prière, ils sont toujours musulmans parce que Allah Azza wa Jalla fera sortir de l'enfer des gens qui n'auront fait aucune action, mais vraiment aucune. On leur répond par ces deux manières. Dans la version de Abu Huraira qui est rapportée par Bukhari Muslim, il est bien dit que ces derniers gens qui sortiront de l'enfer et par la rahmatullah, par la miséricorde d'Allah, les anges les reconnaîtront par Atharas Sujud, par la trace de la prosternation. Et donc ça veut dire qu'ils priaient, ils avaient cet acte. Deuxièmement, cette formule qu'ils prennent toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans le hadith de Qatul Mia, et pourtant cette personne avait fait des actions de bien. Voilà, je finis ici par rapport au rajout que je voulais faire par rapport aux preuves, comme quoi celui qui ne fait pas la prière, il est mécréant, et comment on répond à ceux qui disent le contraire. On a totalement fini, Inch'Allah. Voilà, maintenant je vais ouvrir les micros et le texte pour ceux qui veulent poser des questions. Un petit d'accord. Donc, hop, je vais dans la mine. J'enlève tout. Alors. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, si vous pouvez, écrire et vous pouvez prendre le micro afin de poser des questions. Bien sûr, barakallahu fikoum, restez dans le sujet. Wa alaykoum salam wa barakatou. Oui, alors donc, je vais vous... Oui, donc, attendez. Il faut juste que je reprenne le texte. Je vais répéter, Inch'Allah, la parole de Ibn Khuzaymah. Et je vous dire dans quel livre, Inch'Allah, vous le trouverez. Alors, quand Ibn Khuzaima fit Tawhid, il a écrit un livre qui s'appelle At-Tawhid, Kitab al-Tawhid, d'accord ? Et c'est à la page numéro 309. Non, bien sûr, ça dépend les éditions après, d'accord ? Mais c'est dans le livre At-Tawhid. Il a dit ceci : Hadi lafzatu lam ya'malu khayran qattu min al-jins alladhi taqulu al-arabu bin-nafi al-ithmi 'an shay'i li naqsihi 'an al-kamali wat-tamam. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به. Voilà. Si c'était en arabe que vous m'avez demandé, je l'ai dit. Si vous voulez la traduction, demandez-moi le. Hein. Donc plusieurs disent assalamu alaykoum. Donc wa alaykoum salam wa barakatou. Donc, Oumou Anfal, si... d'accord, si, donc, je vais vous traduire. Alors, je reprends le texte, excusez-moi. Donc Ibn Khuzaymah, rahimahullah, qui est décédé en 311, qui est né en 223 de l'Hégire, est décédé en 311, qui est un des grands savants du hadith, d'accord, qui est un rapporteur de hadith, comme Al-Hakim, par exemple, qui n'est pas très connu du grand public, mais assez connu par ceux qui étudient un petit peu le hadith, au moins.